Happy Yo sa gang ça. Sur le morceau Roya. Vas-y check. Comment je m'appelle? On vient foutre la merde des pervers, tu sais, pour MC. Comment il s'appelle? On vient foutre la honte, tout notre sort résonne dans tous les angles. Appelle-moi Hitch, qu'attire tous tes bitches. Tout Paris vont d'Est, même à Miami Beach, gros. Les pompes, je les enchaîne en série. Je sais pas ce qu'il aime, mais ce rappeur en série. Je n'ai pas fait de film, non, plus pas de série. J'ai pas joué dans taxi comme l'a fait Samina série. Pour moi, les blondes, c'est forcément des connes. Je crois que je déconne, c'était forcément blonde. Je monte la pression, t'as même l'impression d'être face à un mauvais garçon. Mais je dis attention, car je monte en tension, pas besoin d'attention. Juste une bonne mention, les gros. Écoute mes phrases, suivies de mes phases. Comme du neutre à la face, mon rap, c'est dangereux. Tu cabilles un peu mal. Normal, la BS sur l'instrumental. Comment je m'appelle? On vient foutre la merde des pervers, tu sais, pour MC. Comment il s'appelle? On vient foutre la honte, tout notre corps résonne dans tous les angles. Je m'appelle Youssa, gangsta pour les intimes. Victime de mon peu rare, on m'appelle Youssa depuis mon premier son. Gangsta depuis mon premier pas dans la MC. Et regarde toi-même, tu m'écoutes, tu sais. C'est pas pour aimer, mais pour raconter qu'on m'appelle comme ça. Sache que sur chacun de mes mots, chacune de mes phrases, je signe mon blaze. Si tu me défies, c'est qu'il te manque une case. Je mets mon son en cage, car retiens autant mon blaze. Ça dégage une vapeur de rage. Je m'appelle, on m'appelle Youssa. Que du bon quand t'entends habiller Youssa. Je m'appelle Youssa, gangsta rappeur pour la Zermi, la famille, les amis et tout ce qui s'ensuit sans oublier la MC. Quand on m'appelle, je vole, ça me donne des ailes. Mais je retombe quand je vois que mon défi n'est pas éternel. Sache que mon blaze a un goût de rage. Pour enlever cette rage, il faudrait tourner la page. Comment je m'appelle? On vient foutre la merde des pervers, tu sais, pour MC. Comment il s'appelle? On vient foutre la honte, tout notre corps résonne dans tous les ans. Au début ça allait bien, mais ça a fini mal. Appelle-moi le négro, j'ai toujours la dalle. Appelle-moi le MC, j'ai la soif de vengeance. Faut pas me chercher car t'en subiras les conséquences. Mais comment je m'appelle? Même le sang, il me harcèle. Appelle-moi victime du système. J'suis en danger pour les gens comme je le suis pour moi-même. Je ne suis que ce que je suis, mais c'est comme ça quand même. J'ai tout tenté, mais la vie elle est pourrie quand même. Appelle-moi habillé et non pas prophète. Car j'ai peut-être les textes, mais je n'ai pas la sagesse, négro. Appelle-moi antifasciste, c'est pour ça que je suis fâché. Des racismes dans le cachot, là où ils pensent c'est se cacher. Appelle-moi Hitler, descendant d'Hitler. Je suis noir et fier, et ça jusqu'à la mort, frère. Comment je m'appelle? On vient foutre la merde des pervers, tu sais, pour MC. Comment il s'appelle? On vient foutre la honte, tout notre corps résonne dans tous les ans.